l'union, le rassemblement de tout le peuple congolais. Bisona, biso. Les ethnies, les Bayaka, Bakuni, Bafili, Bansangi, Babembe, Bateke, les Mbochier, les noms cités Mboté, du nord au sud, est-ouest, l'union contre les bons, la attitude, car dur devient l'atmosphère où les milices sont rudes, divisés pour mieux régner, mais vivre en unité, voilà ce que l'Afrique voudrait. On fait pour la communauté, Bandou la Bandou, ouais, tous dans la même galère, ma colère a l'air libre, tout travail mérite salaire, je vibre quand mes frères boxent pour un bout de territoire, ouais, dans la main le calibre pour exploser l'histoire. Y'a trop de boycott, des règlements de compte, les gens les larmes à la place des mots. Bisson abisso, bisognon, sois pour la démo. Plus de kilos de poing dans mon flow. Grâce à l'union Tintouari, je souhaite que je soigne mon beau Congo. Bantou na bantou, Boka bantou et Mouki. Bantou na bantou, Souza bantou et Zouzi. Et quand tu vas au Congo, on voit qu'on t'y inutile de nous battre. Bisson Abisso vous disent d'arrêter ce masque. Ce n'est pas un pays de cobras, de ninjas, de nippos. Tous les mêmes négros, tous pour un seul Congo. Rappé, baby, pas ma voix, baigna bousso. Papa, si y'a quelque n'a plus son zaza, peino la guerre. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Merde contre la voix, guerre, y'a bousso. Ring, ding, ding. Pour toutes les familles qui triment, qui combattent la misère, les souffrances qui les abîment. Je veux mettre un pince, mince, que personne me coince. Poser dans un ganda le soir et jouer les princes. Plus moyen de marcher dans les rues, d'éviter les balles perdues. Rentrer dans un pays tranquille, comme j'ai connu. Bantou na bantou, Boka bantou et Mouki. Bantou na bantou, Souza bantou et Zouzi. Et quand tu vas au Congo, c'est toi que tu regagnes. Zouzi, Uzi, éliminé, contaminé, pleurs, prières, terrain miné. Misère nulle n'est vaccinée. Mon frère, quel courage de soldat, quelle audace pour ça me mépriser. Pourquoi cette figure des bois, envie de faire la vie. Que le Congo soit ma maison et que l'Afrique devienne mon roi. Il y a des barbelés comme les murs d'une prison. Les esprits sont compressés, prisonniers perdent la foi. Ensemble contre tous les chocs, on bloque autour d'une gorge. Chaque troque les bruits d'une sirène contre les champs d'Igor. Cocorico, le Bisson Abisso revient au Congo. Offrez son amour au pays avec ses morceaux. Congo, Congo, Congo, Congo. Bisson Abisso charge pour un seul Congo. Assis de balle arsenic, Benji Mystique au micro. Ce pays fut notre berceau. Moi je viens du Congo. Tu vas au rassemblement de tous les peuples congolais.